sert à rien de s'énerver. Faut pas laisser tout. Faut pas laisser tout. Faut pas chasser les épouses. 20 ans que je rappe, j'suis pas tout dit. J'en ai vu des outils. Bien, on s'embrouille pas pour des broutilles. Encore moins pour un bout. J'ai le bras long comme Luffy. J'vais pas tuer mon pote comme Puffy. J'fume trop, j'crois j'vais ouvrir un coffee. J'pèse dans le game même si j'pas le profil. J'fais la course dans les ruelles avec 900 générés. Parle pas si tu connais rien. Tu veux déguster, il faut les ronds. Le soir tard, les fois les rôles. Tu vas être en sécu, faut un peu pompe, pas un rôle. J'suis pas un raté, pas un robot, pas un radar. Dans ma tête, poteau, j'suis pas un rappeur. J'suis pas un radin, pas un raciste, pas un hassa. Tous des classiques qui viennent tout droit de la NASA. Tu passes ça, va du bus, t'as pas de sous. Tu veux rouler en classe A, classe A, classe A, classe A. Classe A, classe A. Mon sang, moi j'prends pas de C, pas de ça. J'ai maigri, j'fais pas de sale, pas de sale. J'suis malade, j'fais pas de taille, pas de sol. J'suis malade, j'fais pas de chaud, pas de scène. Voir un flanc, ça fait des actions, des actions. J'arrive, ça fait c'est l'ovni. La crise, on met que mec avec les homies. J'ferai jamais le mec, t'inquiète, compromis. La machine doit se démarquer des copies. Ah, la vie d'un star peint dur. Faut s'accrocher, faut serrer la ceinture. J'vais prendre ma mine, j'partir à l'aventure. À deux postiches, j'suis en super aventure. Tu m'en veux, tu sais pas qui j'suis. J't'envoie deux fous, j'pas Jackie Chan. Fais-moi une potion, je veux pas quicher. Quand les vrais restent vrais, gros, y'a rien qui change. Et à chaque fois, gros, je perds ma bœuf. Cherche mon briquet, il est sur mes couilles. Et à chaque fois, gros, je perds ma bœuf. Cherche mon briquet, il est sur mes couilles. Arrête de me dire que tu es un bon. Tu dis que je suis un bizarre, le dos tourné. Si c'était à refaire, j'aurais tout refait. J'aurais évité tous les bourbiers. Le tuber, il va se faire péter. Mon sens, tu restes immobile. Chaise pliante, veste millée. Ça y est, il a fait son coffrage à 10 000. DP ou Lacoste. On fait le signe sur la poste. Je viens de là où les anciens farcissaient les blinks ou les caisses de la poste. Mon succès, j'en suis la cause. Là, c'est la chère bête qui m'appelle. Au feu rouge de la rose, sur une roue, je suis à l'aise, hein. Bandit baleine, hein. Que je fume, j'ai les canines, hein. Bandit baleine, hein. J'aime quand elle est câline, hein.